بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قلنا إننا اليوم سنذكر مسألة الترتيب قبل الشروع في الحديث الأخير. On a dit qu'aujourd'hui on allait citer le sujet de l'ordre avant d'aborder le dernier hadith du chapitre. L'ordre dans l'accomplissement du tayammum. Est-ce que on doit d'abord donc passer les mains, frotter les mains, ou alors d'abord le visage? Est-ce qu'il y a un ordre spécifique ou pas? Comme dans les ablutions. Jaa fil Qur'an an Allah tabaraka wa ta'ala qala famsahu bi wujuhikum wa aydikum. Dans le Coran, il a été cité « Famsahu bi wujuhikum wa aydikum ». Alors, passez-en sur vos visages et vos mains. Et vos mains. « Faqaddama al-wajh ala al-yad ». Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala ici a fait précéder le visage avant les mains. « Wa fi hadithi Ammar, qaddama al-yad ala al-wajh ». Mais dans le hadith de Ammar, qu'on a vu hier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les mains avant le visage. فَمَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَا. Et donc, il a passé la main gauche sur la main droite et le dos de la main et le visage. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ici cité les mains avant le visage. Lakin al-waw la tufid at-tartib. Cependant, dans la langue arabe, le mot waw, la lettre waw, n'implique pas un ordre chronologique. Se traduit par et. Lorsqu'on dit fais ça, et ça, et ça, et ça, cela n'implique pas un ordre spécifique. Ça ne veut pas dire que ce qui a été cité en premier doit être accompli avant ce qui a été cité en deuxième. Ça ne veut pas dire cela forcément. ولكنه جاء في البخاري باللفظ ثم. Cependant, il a été cité dans Sahih al-Bukhari avec le mot ثم, qui veut dire puis. Et donc là, on a un ordre. ثم مسح بهما وجهه. Puis, avec ses deux mains, avec ses deux, il a passé, donc, il a frotté son visage. Et dans cette narration qu'on a dans le Bukhari, il a cité la main avant le visage. Il a cité la main, et ensuite il a dit, excusez-moi, non, il a cité la main, et ensuite il dit, puis il passe ses mains sur son visage. Et donc là, on a un ordre précis qui est cité dans cette narration de le Bukhari. L'ordre précis, c'est les mains avant le visage. Fait aktharu riwayat, li hadithi Ammar. جاءت بتقديم الوجه على اليدين وهذا موافق للقرآن وللوضوء ولكن جاءت رواية صريحة بلفظ ثم بتقديم اليد على الوجه مما جعل كثيرا من العلماء يرجحون أن الترتيب ليس بواجب وقال به الشيخ النجمي في شرحه على عمدة الأحكام. Et donc la grande majorité des narrations qui ont été rapportées du hadith de Ammar, le hadith qui décrit donc le tayammum, la majorité des narrations, elles montrent le fait que le visage est cité avant les mains. Et cela est en accord avec le Coran. Et cela est en accord avec les ablutions. Comment ça, cela est en accord avec les ablutions? Quand tu fais tes ablutions, tu commences par les mains ou par le visage? Tu commences par les mains. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que le fait de citer le visage avant les mains, c'est en accord avec les ablutions? Parce que ce qui est cité dans le Coran, concernant les ablutions, rappelez-vous, c'est d'abord le visage. Dans les ablutions dans le Coran, c'est cité le visage et ensuite les mains jusqu'au coude. Les poignets, ça, c'est pas cité dans le Coran, c'est cité dans la Sunna. Et on avait dit que Rajih, l'avis le plus juste concernant les poignets, c'est que ce n'est pas obligatoire. D'accord ? Et donc, quand on dit que le fait que dans les narrations du tayammum, le visage a été plus souvent cité que le visage a été plus souvent cité avant les mains que les autres narrations, cela est en accord avec le Coran, cela est en accord avec la façon dont on fait les ablutions. Cependant, il y a une narration qui a été citée claire dans Sahih al-Bukhari qui montre clairement les mains avant le visage. Ce qui a fait que beaucoup de savants ont dit que l'ordre, dans l'accomplissement du tayammum, l'ordre n'est pas obligatoire. L'ordre n'est pas obligatoire. Et ça, c'est l'avis aussi qu'a choisi le Cheikh al-Najmi, rahimahullah, dans son explication de Umdat al-Ahkam. Et donc, tu arrives, tu fais le tayammum, on a dit une fois sur le sol, tu fais les mains, ensuite le visage, alhamdulillah. Tu arrives, tu fais une fois sur le sol, tu fais le visage, tu fais les mains, alhamdulillah. D'accord ? Et donc, il n'y a pas d'avis, excusez-moi, il n'y a pas d'ordre obligatoire qui est imposé, non selon cet avis qu'on choisit beaucoup de savants. Donc le hadith qui vient après, An Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. Donc le dernier hadith selon Jabir ibn Abdillah رضي الله عنهما que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il m'a été donné cinq choses dont aucune n'a été donnée à aucun des messagers avant moi. Et donc cinq spécificités du prophète صلى الله عليه وسلم. نصرت بالرعب مسيرة شهر. J'ai été secouru par la peur durant un mois. On va expliquer cela, inshallah ta'ala. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. Et la terre, attention, ce qui est voulu par ici, le terme, la terre, ce n'est pas la terre qu'on va prendre dans nos mains, c'est le sol. Tout le sol, toute la surface de la terre, que ça soit de la terre ou que ça soit autre que la terre, des pierres, cela a été fait, cela m'a été placé comme masjid, c'est-à-dire lieu de prosternation, je peux faire ma prière où je veux, ou alors tahoura, ainsi que, excusez-moi, tahour, c'est-à-dire comme élément de purification, comme l'eau, un élément de purification. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. Et donc, quelconque homme de ma communauté qui se trouve à quelconque endroit dont l'heure de la prière arrive, alors qu'il prie, qu'il accomplit sa prière. Attention, on ne va pas utiliser ça pour dire ah, salat al-jama'a, c'est pas obligatoire. On rassemble tous les textes. On a déjà vu les textes concernant salat al-jama'a, l'obligation concernant la prière commune, et ça. Donc, l'homme qui se trouve à un endroit dans lequel il n'y a pas de jama'a, il ne dit pas « Ah, il n'y a pas de jama'a, je ne vais pas prier aujourd'hui. » On te dit « Là, là, là, là, là, là, il n'y a pas de jama'a, tu pries quand même. »« Jurilat liyal ardu masjidan wa tahura. » Et donc, ensuite, il continue le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il dit « Wa uhillat liyal ghanaim wa lam tuhalla li ahadin qabli. » Et le butin de guerre m'a été autorisé et cela n'a été autorisé à quiconque avant moi. وأعطيت الشفاعة et l'intercession m'a été donnée. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. Et chaque prophète était envoyé à sa communauté de façon spécifique, mais j'ai été envoyé à tout le monde. إلى الناس عامة. J'ai été envoyé à tout le monde. فهذا الحديث فيه بعض خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. Il y a dans ce hadith, comme je vous ai cité, certaines spécificités du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Awalan, fi kawlihi nusirtu bir ru'bi masirata shahr. Premièrement, lorsqu'il dit j'ai été secouru par la peur durant un mois. Fa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha taharraka bi jayshihi ila al-aduwi alqa Allah ta'ala al-khawf fi qulubi al-a'da. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se déplaçait avec son armée vers ses ennemis, Allah tabaraka wa ta'ala place la peur dans les cœurs de ses ennemis, de ceux-ci un mois avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'arrive. وَهَذَا يُذَكِّرُنَا بِأَنَّ الْقُلُوبُ كُلَّهَا بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Et cela nous rappelle que tous les cœurs sont entre les mains d'Allah. Et que Allah est certes capable de toutes choses. Allah, il fait ce qu'il veut de nos cœurs. Nous devons donc faire attention à rechercher l'agrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et deuxièmement, lorsqu'il dit « La terre m'a été placée comme lieu de prosternation, de prière et comme élément de purification. » Et cette spécificité du prophète, cette deuxième, c'est celle-ci pour laquelle l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. C'est pour cela qu'il a cité ce hadith dans ce chapitre. Pourquoi ? اختلف العلماء في الأرض هل كل ما ظهر على وجه الأرض طهور يتيمم به أو المراد هو التراب فقط. Est-ce que les savants ont divergé, donc est-ce que tout ce qui est apparent sur à la surface de la terre, on peut l'utiliser pour faire le tayammum, ou alors c'est juste la terre, ou alors c'est juste la terre. Et donc, est-ce que il est permis aujourd'hui de faire son tayammum avec ça? C'est-à-dire qu'une personne qui arrive à la mosquée, qui est malade, qui ne peut pas utiliser l'eau, on va lui dire: regarde là-bas, là, les frères avaient passé des pierres. Ah, ok. Il va aller. Il fait tayammum en passant sa main sur la pierre. Le visage. Est-ce que c'est permis? Ce qui est voulu par la terre tout entière m'a été placé comme lieu de prosternation et comme élément de purification. Est-ce que c'est ce qui apparaît à la surface de la terre et donc les pierres, ça rentre dedans? Ou alors c'est juste la terre que tu peux prendre avec tes mains et que tu peux époussiérer comme cela. Est-ce que c'est juste la terre en elle-même ou alors tout ce qui apparaît à la surface de la terre? Faqala al-Imam Malik wa Abu Hanifa inna al-murad bis-sa'id at-tayyib huwa kullu ma dhahara 'ala wajh al-ard. L'Imam Malik ainsi que Abu Hanifa, ils voient que ce qui est voulu par le terme as-sa'id at-tayyib qu'on a déjà vu au tout début, c'est l'élément avec lequel on fait le tayammum. Il voit que ce qui est voulu par là, c'est tout ce qui apparaît à la surface de la terre. Les pierres, le sable et autres. Et donc tout ce qui apparaît à la surface de la terre, ça, on peut faire les ablutions, on peut faire le tayammum avec. Selon l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa. مستدلين بهذه الرواية. Et ils s'appuient, quelle est leur preuve? C'est ce hadith qu'on vient de vous citer. Cette narration-là de ce hadith. جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Toute la terre m'a été placée comme lieu de prosternation et comme élément de purification. وَذَهَبَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالشَّفِعِي إِلَى أَنَّ الْمُرَادُ هُوَ التُّرَابُ فَقَطْ. L'imam Ahmed et l'imam Shafi'i, eux, ils voient que ce qui est voulu par là, c'est la terre en elle-même. C'est la terre en elle-même. Mustadilluna bi riwayatin ukhra min hadha al-hadith. Ju'ilat li turbataha aw turbatuha masjidan wa tahura. Dans cette version, dans cette deuxième version, il est cité le même hadith, mais il est dit et la terre, mais ce qui est voulu par la terre, c'est pas le sol. Et-Turab. Et-Turab ici, donc la terre que tu peux prendre dans tes mains et que tu peux effriter. Cette terre-là m'a été placée comme lieu de prosternation et aussi comme élément de purification. On a donc le même hadith avec deux narrations différentes. Un groupe de savants s'appuie sur cette narration, l'autre groupe s'appuie sur l'autre narration. Comment on fait ? Comment on fait maintenant? Et donc, لكن القائلون بالقول الأول أجابوا عن هذا بأن المراد بذكر التراب هو ذكر بعض الشيء كما جاء في النصوص الأخرى. Ils disent que ce qui est voulu par là, l'imam Malik et l'imam Abu Hanifa, ils disent que ce qui est voulu par là, c'est juste le fait de citer un exemple. Puisqu'on a une narration qui cite tout ce qui apparaît à la surface de la terre, et une narration qui cite un type, la terre en elle-même. C'est juste le fait de citer un exemple, comme cela a été déjà cité plusieurs fois dans plusieurs textes. Et donc, cela arrive souvent dans la langue arabe. Ça, c'est premièrement. Ils disent فَإِنَّهُ جَاءَتْ أَحَدِيثْ أُخْرَى تُبَيِّنُ أَنَّ التَّيَمُّمْ يَجُوزُ بِكُلِّ مَا ظَهَرَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ. Ils disent certes, il y a d'autres ahadiths qui montrent qu'il est permis de faire le tayammum avec tout ce qui apparaît à la surface de la terre. إخراج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي جهيم قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه. البخاري ومسلم يسيت dans leur recueil selon Abi Juhayn que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il venait d'un endroit qui s'appelle Bir, donc le puits de Jamel. Et à partir de là, un homme l'a rencontré. Et l'homme, il a passé le salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète, il ne lui a pas répondu. Jusqu'à ce qu'il arrive près d'un mur, qu'il mette ses mains sur le mur, qu'il fasse le tayammum, donc il passe, il frotte ses mains et son visage, puis il lui a répondu au salam. Il ne voulait pas lui répondre au salam en état d'impureté. Il a donc attendu de se purifier avant. Et où est-ce qu'il a fait cette purification? Sur le mur. Et là, vous allez me dire, Abdelkarim, là, tu nous as cité la terre. Après, tu nous as cité tout ce qui apparaît à la surface de la terre. Et maintenant, tu nous cites le mur. Qu'est-ce que le mur a à voir avec ça? Hmm? Avec la terre. Turab? Turab ou Al-Hajar. On est d'accord. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont dit, et donc ici, la Bouddha, c'est obligatoire qu'il a passé ses mains sur ce mur qui était composé à l'époque, ce n'est pas les murs qu'on voit maintenant avec la peinture, mais avec des pierres et de la terre. Il te disait donc, l'avis le plus juste, c'est que tu fais le tayammum avec tout ce qui apparaît à la surface de la terre. وذكر العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سافر إلى تبوك والأرض كلها رمال. Les savants les ont cités dans la biographie du prophète que le prophète il a voyagé à Tabouk. Il n'y a pas d'eau. Et le sol jusqu'à Tabouk, c'est rimel. Donc c'est quoi? Rimel, c'est quoi rimel? Hein? C'est pas de la terre, mais c'est quoi? C'est du sable, on est d'accord. Parce que là, le prophète, il a voyagé, et la seule chose qu'il avait pour la purification, c'était le sable. Ensuite, إذن الراجح في المسألة إن شاء الله تعالى أن التيمم يجوز بكل ما ظهر على وجه الأرض. Et donc, l'avis le plus juste dans ce sujet, inshallah, c'est que Wallahu alam, le tayammum, il est permis avec tout ce qui est à la surface de la terre. Ce n'est pas une divergence, tu vas voir un sujet qui est clair, qui est faux. Les deux avis sont forts. Et donc, dans ce cas-là, le mieux, si tu peux trouver de la terre, alhamdulillah, tu fais avec la terre, tu sors de la divergence. Ensuite, les savants dans la langue arabe. Dernier point, donc pour appuyer cela, excusez-moi. Les savants de la langue arabe, certains ont cité l'unanimité sur le fait que As-Sa'id, At-Tayyib, As-Sa'id dans la langue arabe, c'est tout ce qui apparaît à la surface de la terre. As-Sa'id dans la langue arabe, c'est pas la terre en elle-même, mais c'est tout ce qui apparaît à la surface de la terre. Et ça, c'est la signification dans la langue arabe. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il dit wa uhillat li al-ghanaim. Et donc, le butin de guerre m'a été autorisé. Wa hadha dalilun ala annaha lam tuhal lil anbiya qabla an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est une preuve que cela n'a pas été autorisé aux autres prophètes avant le nôtre sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi quand il dit u'titu ash-shafa'a, l'intercession m'a été donnée. Ça veut dire quoi ça, l'intercession m'a été donnée? Est-ce que les autres prophètes, ils font pas l'intercession? Tous, ils font intercession. Mais ce qui est voulu, c'est Shafa al-Kubra ici, la grande intercession. Lorsque tout le monde aura peur, Yawm al-Qiyama, même des gens, ils voudront juste être jugés. Je ne sais pas si je vais en enfer ou pas, mais je veux juste être jugé. Je ne peux pas rester comme ça, attendre encore plus. Et à ce moment-là, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va intercéder pour que Allah tabaraka wa ta'ala juge entre ses créatures. Et enfin, pour finir, وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةِ. Et j'ai été, le prophète qui dit, et j'ai été envoyé à tout le monde. وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يُبْعَثْ إِلَى الْعَرَبِي فَحَسْبْ. Et ça, c'est une preuve que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas été envoyé qu'aux Arabes. Je dirais même, il n'a pas été envoyé, donc, qu'à la péninsule arabique, comme certains veulent prétendre. On va arrêter là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on reprend la semaine prochaine avec le dernier chapitre du Kitab al-Tahara, le livre de la purification, juste avant le livre de la Salat, le dernier chapitre, Kitab al-Haïd, Bab al-Haïd, le chapitre des menstrues. Avant qu'on commence le chapitre des menstrues, je préviens, souvent, les frères négligent ce chapitre. Kéfiran me. Najidu ikhwanana yuhmiluna hadha al-bab. Les frères, ils négligent ce chapitre. Ouais, je suis un homme. J'ai pas besoin d'étudier le chapitre des menstrues. Je suis un homme. Et après, c'est ces mêmes frères qui t'appellent. Ya Abdelkarim. C'est quoi le jugement de ci? Ya Foulen. C'est quoi le jugement de ça? Tu dis, on l'a étudié pendant les cours, les frères. Et donc, à partir du moment où tu comptes te marier, tu es marié, tu as des filles, tu es concerné par ce genre de sujet. Parce que ça rentre dans la salat. Là, ça rentre dans le hajj. Tu vas faire le hajj avec ta famille. La umra avec ta famille. Ça rentre dedans. Les actes de prière, la lecture du Coran. Est-ce qu'elle peut rester à la mosquée? Est-ce qu'elle peut aller assister à khutbat al-jumu'ah? Attention. Il ne faut pas donc que nous les hommes, on délaisse cela sous prétexte que nous ne sommes pas concernés directement. Je vous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Vous êtes tous des bergers, vous êtes tous interrogés concernant votre troupeau. Et donc on doit faire attention à ce chapitre. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.